ma te po ba liya ma nan Biso to liya ma Awe Ne fe pa semblant de travaye Se de la fatigue inutile Se sa kwa Selenge Emile Lokolasi Paju Simba Ya Demona Sacré Bisé le canal international Sacré Bisé le canal international Amana mala lune folo lo rosa Tete ni ne boti masa Dieu merci lombo L'espoir de tout le Kosovo Jean-Pipi Landry Foutil à l'écran Bacala Nes Makiadi Tiataba ou Nantima Sokolina Kina Ite Bonga Kioloba Naluka Yaga Mosusu Oya Kokina Ngaye Sokolina Kina Ite Bonga Kioloba Naluka Yaga Mosusu Oya Kokina Ngaye Gégé Kalume Na tipe kare, mazote e kongolo e Oya sa José Calé.